toute heureuse et radieuse, pense que l'amour dure toujours. Je t'aime, ô mon bien-aimé, murmure-t-elle dans un baiser. Et à son doux amour, chante ainsi tout le jour. Aime-moi comme on aime une rose, qu'un rayon de soleil fait éclore. Cueille-moi, je suis ta fleur, je suis ta rose, qui me relance à peine éclose. Pour toi seul est mon cœur. Mais vint un triste jour où finit le roi amour, comme une rose par le froid saisie, toute sa beauté s'évanouit. Folle dans les prés en fleurs, elle se désole en sa douleur. Pleurer comme au beau jour, chante à son pauvre amour. Aime-moi comme on aime une rose, qu'un rayon de soleil fait éclore. Cueille-moi, je suis ta fleur, je suis ta rose, qui me relance à peine éclose. Pour toi seul est mon cœur. Cueille-moi, je suis ta fleur, je suis ta rose, qui me relance à peine éclose. Pour toi seul est mon cœur.